chez les Watts. Psychothérapie. Peut-être une victoire française et un maillot jaune, peut-être. Franck Fitzik. Et oui, c'est vrai qu'avec lui, on n'est jamais déçu. Il y a toujours quelque chose à dire. Let's sort de ce corps. Je vois là-bas le peloton. Ça, hop, oh. Ça, ouais. Et puis, de toute façon, faut tout prendre, hein. Ça. Et ça. Bon, ben on est là, nous voilà partie de Rouen, il est 8h30, on est parti, on a déjà rejoint la voie verte là, et puis c'est parti pour 60 km, alors logiquement ça devrait être principalement du plat, je crois qu'il y a une montée à un moment pour aller sur un point de vue, et puis après c'est tout. Bon, c'était bien Rouen, il y a des gens qui m'ont demandé, on n'a pas entendu Camille. Non, effectivement, ben, Camille ne voulait pas être enregistrée, donc Camille n'a pas été enregistrée, donc vous n'avez pas entendu Camille, et puis voilà. Mais effectivement c'est elle qui m'a fait visiter un peu la ville pendant un jour et c'était fort agréable d'avoir un guide forcément parce que bah, elle connaissait plein de trucs qu'on pouvait pas savoir comme ça et il n'y a pas forcément des visites guidées surtout le dimanche donc voilà, c'était agréable d'avoir quelqu'un avec qui parler déjà et puis d'avoir une visite comme ça quoi. Donc aujourd'hui 60 bornes à peu près. Et puis voilà, c'est parti. Ça fait même pas une heure qu'on roule, on est déjà à 16 km. C'est quand même fabuleux. C'est bien quand ça roule, non? En plus là, on est requinqué. On a repris des forces. Ça fait du bien, ça fait plaisir, ça donne le sourire. Putain, mais cette péniche me suit. Oh mon Dieu, mais elle est là. Mais c'est pas possible, parce qu'on a fait des détours avec la voie. À un moment, il fallait contourner tout un port. Parce qu'il n'y a que des trucs de port ici. Il n'y a que des industries. Il y a énormément de porte-conteneurs. C'est assez impressionnant. Et des industries de toutes sortes. Putain, il va finir par me redépasser. Il va falloir que j'enregistre rapidement. Et ouais, voilà. Enfin, hier, du coup, petit requinquage avec les lumières sur la cathédrale de Rouen, évidemment. Donc là, ça fait du bien, là, ça roule. Putain, 1h16 km, c'est bien, c'est correct. Avec le pactage, c'est correct. Surtout qu'on essaye de, voilà, de faire attention à la forme, de faire attention aux muscles, de ne pas s'épuiser non plus. Donc effectivement, à cette vitesse-là, on sera peut-être à Honfleur ce soir, enfin cet après-midi. Ah, j'essaye de m'étirer un petit peu quand même le long de la route, parce que je sens que ça tient dans les ischios jambiers malgré tout. Et... bon, on va éviter de finir comme l'autre jour, quoi. Bon, là, ça devrait aller. Ah, le ciel est couvert. C'est chiant parce que ça s'est découvert sur Rouen, mais ça reste couvert devant. Bon, on va voir. J'espère que là, ça sera un petit peu plus vert que les 15 km que je viens de faire, parce que là, c'était vraiment 15 km de berges aménagées en industrie, quoi. Ça faisait un peu mal au cœur. Donc là, ça a l'air de se verdir un petit peu à partir de maintenant. On va voir ça. Bon bah c'est génial. Le GPS m'indiquait un endroit où il y avait un pont. Et je me disais quand même, vu la taille des bateaux, c'est bizarre le pont. Effectivement, c'était bizarre, ce qui explique qu'il n'y a pas de pont à l'endroit où il me dit de traverser. C'est censé être un passeur qui fait la transition entre les deux berges. Évidemment, alors déjà ça fait chier, et évidemment j'arrive, pas de moteur du bateau. Le bateau n'avance pas. Donc pas de traversée. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de traversée possible avant, bah, j'ai l'impression, plusieurs dizaines de kilomètres. Donc autant vous dire que j'ai le seum. D'autant plus que bah, là-bas, je vois des boulangeries qui me font de l'œil et j'aurais bien pris un petit pain au chocolat. Mais non. Donc, ce matin, c'est la tristesse. Voilà. Je vais vous prendre une petite... C'est des pizzas ? Non, ce sont des pâtes, c'est là que c'est fait avec de la pâte à copie. C'est pas du tout de bonnes pizzas. Eh ben, on va partir pour ça, alors. Oui. Alors, il me reste donc chorizo, poulet ou trois fromages. Eh ben, poulet, alors, s'il vous plaît. Ouais. Et ça, je vais vous prendre un pain au chocolat, si vous voulez. Un pain au chocolat ? Ouais. Un pain au chocolat, c'est là. J'ai pas beaucoup de moyens. 50 J'ai 50 si vous voulez. Non, ça va aller. Non. Et 10. Non, c'est beaucoup. C'est moi. Merci. Passez une bonne journée, madame. C'est pas une pizza qu'elle me dit. Non mais. C'est bizarre ça quand même. Vachement la gueule d'une pizza et ça a quand même vachement le goût d'une pizza. Ça c'est encore un délire normand ça. On savait que c'était pas trop mauvais. Et puis le petit pain aussi était bon. Bon, on a fait un petit bout là. Hein. Ah je regarde, on est à... On a fait 41 km là ce matin. C'est vachement bien. Ah, on a fait beaucoup de voies vertes. Quelques kilomètres de sentier, il y avait 4 kilomètres de sentier. Je traversais une propriété privée, pff, sans m'en rendre compte. Je suis sorti, et en fait, en sortant, j'étais dans une ferme. Voilà. C'est-à-dire qu'au début, il y avait un panneau Yacht Club de Rouen. Bon, je me suis dit, un lundi matin, le Yacht Club de Rouen va peut-être pas être très actif. C'est parti. Et puis au final, des kilomètres plus loin, sur des routes pas aménagées, sur un sentier pas aménagé, on se retrouve... dans une ferme. Bon, ça va, il n'y avait personne. J'ai traversé, hop, départemental, boum, direct jusqu'à Duclair. On est à Duclair, je suis en train de regarder les passeurs faire passer les voitures. Mais je ne vais pas les prendre, parce que ça va me rajouter de la route. Vu que là, il faudrait retraverser une autre boucle. Et ça va faire beaucoup, voilà. Donc là, il nous reste 10 km avant le pont de Brotone. Et 25 km avant ce qui est censé être la destination à côté, pas très loin de Honfleur. Alors ça me paraît un peu bizarre, je pense qu'on ira un peu plus loin, parce que du coup 25 km, bon bah ça ira. Hein. Il est actuellement midi 25, nous sommes le lundi 24 août, midi 25, le lundi 24 août, à Duclair. C'est légèrement venteux. Le ciel est couvert et les véhicules embarquent sur les passeurs de la Seine. Dans le 76, Seine-Maritime. Je peux même vous donner le numéro du bateau. C'est le BAC 13 Rouen. Il est rouge et blanc et a une coque verte. Oh, il y a mon écran de téléphone qui est tout crade. Il y a mon savon mouillé qui est tombé dessus. Il va falloir nettoyer ça. Bon, et ben messieurs, dames, nous voilà arrivés à Honfleur. Cette époque, on a fait 102 km aujourd'hui. 102,5 exactement. C'était très, très, très, très, très agréable comme parcours, même si je me suis Il y a eu bon nombre de péripéties entre le bateau qui marchait plus, moi qui ratais à un moment une route et qui ai dû faire, je sais pas, un bon 10-15 km supplémentaires qui n'étaient pas nécessaires. Mais on ne regrette pas parce qu'on est passé à travers la campagne normande de Seine-Maritime et il y avait vraiment, vraiment, vraiment des endroits extrêmement jolis, plein de belles maisons. Plein de belles fermes, des domaines, des trucs comme ça, des manoirs. Franchement, c'était magnifique. Donc je regrette pas. Surtout que j'étais plutôt en forme et que c'est plutôt plat. Plutôt, hein, pas que plat, mais c'est plutôt plat. Et donc ça allait. 102 km. Je vous avoue que on était prévu 60. Bon, les gens ils me regardent parce que j'ai une batterie externe dans la main. Forcément, je suis en train de recharger mon téléphone. Donc il se demande, mais qu'est-ce qu'il fait avec sa batterie? Il est en train de parler dans sa batterie. Qu'est-ce que c'est que ce mongol? En plus, elle est solaire, donc vraiment, il voit un panneau solaire. Il croit que je suis en train de parler à un panneau solaire. Qu'est-ce que je disais? Je sais plus. Oh là là, mais il y a de la circulation dans cette petite rue. De Honfleur. Magnifique transition. Puisque nous sommes arrivés à Honfleur. Alors un petit peu de voie verte, un petit peu de forêt, quelques kilomètres de forêt. À un moment, on a coupé une boucle de la Seine. Et puis voilà, on est arrivé à Honfleur. J'ai pris le bateau aussi à un moment pour traverser la Seine. C'est très drôle. J'ai beaucoup apprécié. C'est là qu'on se rend compte du débit d'eau qu'il y a, parce que le bateau doit se mettre en... Il navigue en biais pour être capable d'avancer. Il se fait tellement pousser par le courant qu'il se retrouve en biais, quoi. Ça faisait un peu Michel D. On aurait dit qu'il driftait sur l'eau, c'était assez drôle. Donc Honfleur, que dire? La voie verte passe en dessous du pont de Normandie et nous emmène directement face au port, qui est absolument magnifique. Et là, je m'y rends. J'ai posé ma tente au camping du phare. Camping du phare de Normandie, qui est un vieux phare qui est posé là à côté. Et du coup, je me retrouve, il y a énormément de gens au camping d'ailleurs, il est quasi plein, je pense. J'ai bien fait d'appeler avant. Bon, j'étais à 25 km d'ici, j'étais censé aller à un autre camping, et puis j'ai regardé sur la carte. Non, 14, il restait 14 km, je me suis dit, allez Franck, t'es chaud aujourd'hui, c'est plat. Tu peux te les faire. Effectivement, je les ai fait. Alors j'ai une petite tension dans l'adducteur de la jambe, l'adducteur intérieur là, de la jambe droite, qui est probablement relié au psoas et à l'ischio, ce qui fait un peu la liaison entre tout. Lui, il y a une tension. C'est le muscle qui se fatigue le plus, qui s'est fatigué plus vite aujourd'hui et déjà il y a quelques jours. Donc on va y faire attention. Il ne s'agirait pas de se blesser, ça se trouve c'est déjà fait et je m'en rends pas compte. Donc lui, ça on va surveiller. Et là j'arrive tranquillement dans Honfleur là, à pied, puisque le camping est peut-être à, je sais pas, il est à moins de 500 mètres peut-être. Donc on y est très vite. Il n'y a que des Hollandais. Encore une fois, il n'y a que des Hollandais, il n'y a que des Belges. Faut voir que les Français viennent pas en vacances en France. Bon, pourtant le camping c'est accessible. Je me souvenais plus à quel point je détestais monter ma tente. Monter le camp. On va essayer de trouver un petit bubi pour manger. C'est pas dit qu'il y ait autre chose que des restaurants. J'ai pas vraiment envie de remanger encore au restaurant. Il est déjà à 20h30. J'aimerais bien manger un truc sur le pouce. Que ça aille vite. Et bon, on va pour visiter en même temps, marcher, tout ça. Si je trouve rien, on retournera au camping et puis on mangera du riz ou du boulgour. J'en ai encore plein les bagages. Il y a que des restaurants. C'est simple. Il n'y a que des restaurants. Je vais probablement avoir du mal à trouver quelque chose à manger en 2-2. C'est pas grave, on va se débrouiller. Ce sera la première fois que j'utiliserai ma bonbonne de gaz et ma popote. Mais c'est vrai que là, aujourd'hui, le moral a été très très bon. Les 14 derniers kilomètres, je les ai bouffés Oh, très belle église. Les derniers 14 km, je les ai bouffés en mettant de la musique, je me suis motivé à fond. Mais c'est vrai que là, une fois la tente posée, tu te retrouves tout seul. Parce que sur le vélo, tu penses à rien. Sur le vélo, tu penses à rien, tu penses à la route, tu penses à avancer, tu pédales. Mais une fois que tu fais plus ça, bah on revient dans les carcans, quoi. Là, vous entendez peut-être le clocher. Il a sonné 8h30. Et là, effectivement, là, petit coup de blues une fois dans la tente, en mode, ben voilà, je suis tout seul. Ouais. Et ça, c'est un peu relou. C'est pas un sentiment très agréable. J'aimerais bien trouver un compagnon de route. Limite quelqu'un sur la route, quoi. Qui serait prêt. Putain, mais c'est trop beau. Non mais c'est abusé. Bon là, il va falloir que je m'arrête pour faire des photos parce que. Et enfin voilà. Petit coup de blues là. J'espère que ça va aller. Il faudrait réussir à prévoir des rencontres avec des gens différents sur tout le long du voyage. Mais c'est compliqué. En même temps, ça faciliterait mon approche avec mes difficultés, avec mon manque de. Mon manque de. Comment ? Pas d'ouverture, pas du tout. De. Je sais pas, pas d'accessibilité non plus, je suis plutôt accessible. De capacité à aller vers les gens. Voilà, plutôt ça. De faire le premier pas pour aller leur parler. Ouais, j'étais motivé le premier jour, ça a été avec le PMU. Là, ça se perd déjà un petit peu. Mais bon. Putain, c'est magnifique ici. Magnifique. Donc demain, c'est simple. Deauville, Trouville. Et puis après, direction Caen tranquillement. Je pense qu'on n'ira pas jusqu'à Caen demain. Je vais aller doucement. Faire attention à cette pointe dans le. Dans l'adducteur cuisse droite. Et puis surtout, il n'y a pas de raison de se presser. Puis j'aimerais bien me poser aussi un petit peu sur la plage. Tu vois, mais prendre le temps de méditer, que j'ai pas encore fait et tout. S'étirer un petit peu, voilà, au bord de la mer, ça fait toujours du bien, c'est toujours agréable. Hein, c'est toujours agréable. Ik zeg, meestal,